Radiomatic. The memory of the past, which we gave all the power we gave, all the best, and everyone lost everything and perished with the rest. Life. Life is life. Life. Life is life. Life. Transmission 286 d'Audiomatique s'ouvrait sur la musique de Layback, qui nous offrait sa reprise plutôt creepy de la pièce Life is Life, originalement composée par le groupe Opus. La version de Layback a été réalisée en 1987 et se retrouve sur l'album Opus Dei de Layback, et a également fait l'objet d'un single sur lequel se trouve une version étendue, laquelle nous avons d'ailleurs entendu. Les sonoristes, qui vous accueillent toujours avec un plaisir renouvelé à Audiomatique, seront vos hôtes pour la prochaine heure. Sachez que vous pouvez nous joindre en nous faisant parvenir vos messages par l'entremise de notre profil facebook.com/audiomaticcfou ou en nous écrivant à l'adresse audiomaticcfou @commercial.gmail.com. Bonne écoute! sans arrêt, tu t'arrêtes ici. J'ai vu que les choses se soulevaient toutes seules, des fois aussi. Le temps qui passe n'efface pas tes polos sans lendemain. Mais les idées crasses que tu as seront toujours des morceaux en moi. Je laisserai les autres parler de toi. Ils ont tellement à dire. Il est beaucoup plus grand que moi. Le goût du souvenir. Et tu attends ton tour que le manège s'arrête. Sous le poids de nos jours et celui de nos têtes. Déposé sur ton épaule, nous avons vu mourir. Presque tout. Thank you. spent a cry as it drove the iron spike into Owen's eyes. The sun sped across the plains like that cinematic moment where humanity and nature collide. When you think everything's gonna be alright, just before the hero gets a bullet in his side, the hero gets a bullet in his side. Listening for the spout of dirty flaws below. Down, down come the vultures. I will not be your fuel anymore. Know me of the cockpit in silence. What will they ever decide for me? À Audiomatic, nous vous avons présenté, en conclusion de cette séquence musicale, l'artiste ontarien Owen Pallett, qui a débuté sa carrière au sein du trio Les Mouches, puis il a fait paraître deux albums sous le pseudonyme Final Fantasy. La chanson que l'on entendait s'intitule Tryst with Mephistopheles, qui est tiré de l'album Heartland, qui est le premier album qu'il a fait paraître en tant qu'Owen Pallett. Mentionnons qu'il a aussi collaboré avec bon nombre d'artistes, entre autres Arcade Fire, Grizzly Bear, Hidden Cameras, Jim Guthrie, The National, Charlotte Gainsbourg, pour ne nommer que ceux-là. Précédemment à Owen Pallett, il s'agissait de l'artiste montréalaise Julie Blanche, et sa chanson « Le manège » parue sur son album homonyme, lancé en 2015. Et pour débuter, on avait droit au groupe basé à Toronto, Yamantaka Sonic Titan, et leur reprise de la chanson « John, I'm only dancing » de David Bowie. On retrouve cette version sur l'album compilation de l'étiquette Paper Bag Records, intitulé « Paper Bag Records vs. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars ». La chanson originale a été enregistrée par David Bowie en 1971 et lancée en 1972 en tant que single avec la pièce « Hang on to yourself » sur la face B lors de la réédition de l'album « The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars » en 1990. « John, I'm only dancing » apparaît comme pièce bonus. Audiomatix se poursuit sur la musique de Sunlux. by a teacup to the right, and no time to cry. Nah, fly, set the sun bright, forget the rain. So it begins. Follow your Audiomatique, nous venons d'entendre la formation suédoise Covenant et sa pièce We Go Down, qui est en fait un B-side se retrouvant sur le EP Last Dance, accompagnant l'album Leaving Babylon, paru en 2013. Avant Covenant, on entendait la formation italienne Curlian Camera et sa composition Metaluna, le Milano Mix apparaissant sur le nouveau EP intitulé Hellfire, qui présage d'ailleurs la venue prochaine d'un nouvel album. Et pour commencer, c'était le projet Sunlux et la pièce The Fool You Need tirée de son plus récent album Brighter Wounds. Et il semblerait que Sunlux est sur le point de lancer un nouvel album dont le titre serait Remnant. C'est au tour du projet néo-zélandais Opossum d'assurer la continuité à Audiomatique. Pour clore ce segment musical à Audiomatique, nous avons fait jouer le groupe Lavallois Les Amis du Pakistan et la chanson Jésus mon ami de leur album High Apotheose lancé en 2015. Tout juste avant, c'était le groupe new-yorkais Mice Parade mené par Adam Pearce de son album Candela paru en 2013. Nous avons entendu la pièce Currents. Et pour débuter, le projet néo-zélandais Opossum, incarné par Cody Nielsen de la formation The Mint Chicks, nous interprétait la chanson Cola Elixir, extraite de l'album Electric Hawaii, qui est le seul album d'Opossum à ce jour. La transmission 286 d'Audiomatique se terminera sur une pièce des Pet Shop Boys remixée par le projet Brothers in Rhythm. Il s'agit de la pièce « We All Feel Better in the Dark », le « After Hours Climax Mix ». Cette version apparaît sur l'album « Disco 2 », qui est un album de remix de pièces apparaissant originalement sur les deux albums « Behavior » et « Very ». Si vous êtes déjà intéressé à entendre une nouvelle édition d'Audiomatique, sachez que vous aurez à patienter jusqu'à mercredi prochain 17h pour syntoniser la fréquence 89.1 sur la bande FM. Si vous ne voyez pas d'inconvénient à attendre un peu plus longtemps, vous pourrez écouter la prochaine transmission d'Audiomatique par l'entremise de nos plateformes comme entre autres facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique sur lesquels toutes nos anciennes émissions sont archivées. Voici donc pour terminer Pet Shop Boys et We All Feel Better in the Darks, le Brothers in Rhythm After Hours Climax Mix. C'était Audiomatique avec les Sonoristes. The secrets of sexual attraction. Thank you. feel better in the dark.